Bonjour Hervé. Bonjour. J'ai lu que vous n'aimiez pas Jules Verne, sauf les gravures. Est-ce que c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. J'ai essayé d'en lire il n'y a pas longtemps et je trouve ça très très ennuyeux. Mais par contre, les gravures sont fabuleuses. On est d'accord. Amateur du 19e siècle, vous avez dû passer des heures dans l'exposition consacrée à Gustave Doré. Ah, j'y fus le week-end dernier, mais j'étais un peu déçu. Je trouvais que c'était une petite expo. Ouais. J'avais pas vraiment vu ces peintures sur bois qui préparaient les gravures, ni ces grandes peintures religieuses de près. Et bon, il n'y a pas à tortiller, c'est ces gravures qui sont merveilleuses. Puis finalement, c'est des trucs que j'avais déjà vus, quoi. Donc voilà, j'y suis allé avec plein d'espoir, en me disant, je vais découvrir plein de choses de Gustave Doré. Et puis finalement, voilà, tant pis. David Carra a terminé sa trilogie des projets avec le projet Morgenstein, alors que vous aviez votre propre trilogie Morgenstein. Est-ce qu'il y a un lien ? Aucun lien. Aucun lien de parenté. Et puis je voudrais signaler que j'ai commencé bien avant David Carra. Ma Morgenstern à moi, elle est sortie, je crois, en 2000 ou 2001. Et lui, il est arrivé bien après. Donc ce serait plutôt à lui de poser la question.